N'avoue jamais n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, sois celui qui déroute et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes.